Lyrics obscurs comme ma putain de life. L'intérieur de ma tête, mon putain intérieur cuir. Le message clair comme ma putain bite. J'ai le cœur qui saigne comme tous les moines, putain de chat. Le présent comme un rouleau rose qui va finir au chiottes. Pété d'une cirrhose ou pété d'une syncope. Triste sort, vie de mer, c'est la mort qui l'emporte. Je prie de chaque jour de me lever le lendemain. Moins con que la veille, moins con que la vieille d'en bas. Moins con que cette ville qui dort. Dans ce bis, y'a que les vrais qui durent. Le coup du sort, sa mère, je l'attends de pied ferme. Le juxtaposé si est où le pompe si un problème. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. Fait briller les jantes que l'aluminium reflète l'asphalte. Fait bouillir le shit, les connaisseurs ça connaissent le truc, sont dans le vice depuis l'époque des savants de 250. Aujourd'hui c'est grillé avec les portables sur écoute et trop de pantins dans le trafic. En plus la coque se vend mieux que le shit. Tout le monde en croque, ça rapporte plus de fric. Et les emmerdes arrivent plus vite et les types deviennent paranoïaques. Les gamins se mettent en tête que la vie c'est comme les clips de rap. Les répètes, les grosses caisses, les grosses classes, les gros seins, les grosses fesses, la grande classe. Bref, la reconnaissance des pétasses de la Tessie, être le boss. Aussi dans l'illicite mais pas au chantier. On parle pas de compter les centimes, on veut les gros billets. La discrétion c'est périmée, aujourd'hui faut se faire remarquer. Ouais, faut briller. Et comme les faux billets, ça tu sais que c'est grillé. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. Entre la vie comme elle vient ou comme un sac à l'arracher. Ou le vieux d'arracher le code du coffre qu'il va devoir cracher. Lui dire de lâcher les clés de la grosse merco bâchée. Se salir les mains et se servir pour obtenir l'inaccessible. Porter une arme et s'en servir pour pas devenir la cible. Et se casser avant que les flics rappliquent. Ça pourrait se finir au cimetière trop vite. Faut pas se jeter dans la gueule du loup ni même dans la mâchoire d'un pit. En cas de coup dur qui sont vraiment tes potes. C'est ceux qui restent, pas ceux qui se barrent. Pas ceux qui font les putes qui racontent tout au poste. Et qui se marrent si on te passe les menottes. Trop d'enculés pèteront le mouette si tu tombes. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. Et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer. On veut le monopole et tout ramasser. Tout sacré stressé pour le pactole prêt à tirer. Objectif premier, ne rien lâcher. On veut le beurre, l'argent du beurre en aucun cas se faire serrer.